me demande pas de sourire. Ma tête est lourde, ma blessure est sourde et profonde. Les yeux m'inondent, alors ne me demande pas de sourire déjà. Laisse les secondes s'égrener sur mes pas. Des jours avec les autres sans. Je ne te demande pas de partir. Laissons le temps nous prendre et nous ensevelir en un instant. Alors ne me demande pas de toujours sourire. Parfois tout le monde l'angoisse de mourir. Des choses avec.